bon sang de problème avec vous, toutes les bons dieux de bonne femme. Mais qu'est-ce qu'il faut pour vous satisfaire? Pourquoi vous me torturez comme ça? Bonsoir, c'est l'heure d'Hétéroland sur le 89.5 de Radio Duo. Hétéroland, c'est une émission féministe sur les relations affectives, sur les sexualités, tout ça, et qui essaie de démonter l'hétéronormativité. Ah, j'ai mieux réglé le micro. Donc, qui essaie de démonter l'hétéronormativité. Hétéronormativité. Ensemble de pressions qui poussent à se conformer aux normes de l'hétérosexualité. À l'échelle individuelle, cela pousse à correspondre aux normes de son propre genre. Dans les relations, cela pousse une des personnes à adopter un rôle correspondant au rôle féminin et l'autre un rôle correspondant au rôle masculin, ce qui maintient une répartition des rôles et des tâches basée sur une binarité de genre et aussi sur une hiérarchie. Cela fonctionne dans les relations hétérosexuelles, non-hétérosexuelles, des relations amicales, familiales. À l'échelle de la société, les institutions sont discriminantes envers les personnes ne correspondant pas à l'hétéronormativité du fait de leurs orientations sexuelles, identité de genre ou schéma relationnel. Et donc Hétéroland, c'est tous les quatrièmes dimanches du mois à 19h sur Radio Duo, par les ondes ou par internet. Vous pouvez aussi trouver les émissions passées sur le site de Radio Duo. Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est féministe et fatiguée. Il y aura des réflexions en construction et j'espère que je ne dis pas trop de bêtises. Si c'est le cas, j'espère que vous vous en remettrez et puis que j'aurai l'occasion de changer d'avis. Je fais pas mal de la vulgarisation, de la pédagogie, tout ça d'habitude, mais là je me rends compte que c'est une émission qui est plutôt à l'attention des personnes qui sont déjà renseignées, qui sont déjà plus ou moins militantes, et qui sont déjà plus ou moins fatiguées, comme je peux l'être. Hétéroland. C'est bien, mais c'est peut-être un peu trop... C'est un gentil garçon. Il croit bien faire. Les hommes sont bêtes. Nous allons aller chercher le sperme. C'est quand même pas sorcier, c'est mon clitoris, pas le sphinx. C'est le moment de libérer la chatte. Mais il lui faut affronter l'aide du réalité. Marié, famille, enfant, caravane, à la mer. Aujourd'hui, je vais parler des vecteurs de fatigue quand on est féministe. Je vais raconter un petit peu ma vie en faisant des super analyses sociologiques ou en râlant, ou les deux. Je vais parler des bons élèves du féminisme qui n'en est pas vraiment, des relations, des relous sur les sites de rencontres. C'est pas ça qui manque en fait les sources de fatigue quand t'es une meuf et que, en plus, tu es féministe. Y a un bon pote à moi qui m'a demandé mon avis il n'y a pas longtemps sur un truc de violence dans un couple de lesbiennes. Alors l'histoire, c'est deux potes à lui qui sont en couple et qui se prennent la tête à une soirée. Il y a l'une d'elles qui a été vexée par des paroles et par une situation. Elle veut partir. On l'appellera Betty, voilà. Sa copine, qu'on appellera Tina, je ne suis pas du tout en train de re-regarder tout The L Word, la retient, donc sa copine Tina la retient, et d'autres personnes l'aident à la retenir et à lui piquer ses clés de voiture. À certains moments, elle est même contrainte physiquement dans ses mouvements, toujours par sa copine, et le prétexte pour l'empêcher de conduire, c'est qu'elle a bu. Mais assez vite, en fait, on comprend, en tout cas mon pote comprend que c'est qu'un prétexte et que sa copine veut pas qu'elle aille dans une autre soirée, par exemple. Et en fait, Betty, elle finira par rentrer en conduisant avec Tina dans la voiture. Et là, personne ne trouve plus rien à redire au fait qu'elle conduise. Enfin bref, à ce stade, quand même, c'est important de préciser que Betty, elle est plus jeune et elle dispose de moins de ressources financières, sociales, tout ça. Et elle fait partie de ce groupe de personnes uniquement depuis qu'elle est en couple avec Tina. Mon ami, il a été assez choqué que Betty subisse des contraintes physiques et une restriction de ses déplacements dans le but de contrôler ce qu'elle faisait. Et ce, par la personne avec laquelle elle est en relation amoureuse. Les autres personnes, elles ont plutôt soutenu ces contraintes. Et ça questionne aussi mon pote. Et là, alors là, il me dit, je me demande si ça se serait passé pareil si ça avait été un couple hétéro. Les gens, ils auraient sûrement réagi, ils auraient trouvé ça craignos si Tina avait été un mec. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Bon, alors déjà, ça ne serait pas forcément passé très différemment. Les gens, ils ont tendance à considérer que les violences entre conjoints, c'est du domaine du conflit privé, même si ça, c'est en train de changer, et bon, bah, c'est tant mieux. Mais bon, admettons, avec la forte pédiatisation autour des violences faites aux femmes, dans le cadre du couple, les gens présents, ils auraient réagi différemment. Et peut-être Tina, elle aurait modéré ses gestes. Bon, admettons. Mais en fait, la question de mon pote, elle m'a grave saoulée sur le moment, parce que bon, parler d'une situation abusive, et puis direct penser à « oui, mais les hommes, oh là là, les hommes, et les hommes dans tout ça », bon, bah, ça me gonfle. Hein. Surtout que le fait d'utiliser le « si c'était un homme » pour mettre en avant le fait que la situation était abusive, eh ben, ça fait un peu chier, en fait, parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser et d'instrumentaliser les violences faites aux femmes pour dénoncer une situation d'abus. On n'a pas besoin non plus d'un référentiel hétéro pour estimer ce qu'on pense d'une situation. Les hétéros, ils ont beau représenter une majorité, c'est la norme, tout ça. Leur fonctionnement, ça ne devrait pas être la référence. Certainement pas. Enfin, si on était dans un monde qui n'était pas hétérocentré, ça viendrait même pas à l'esprit de comparer deux situations. Mais bon, puisqu'il m'a demandé mon avis, ça m'a fait réfléchir quand même. Et les hommes cisgenres... Alors oui, je fais des généralités sur les hommes, ça s'appelle la sociologie, les groupes sociaux, tout ça, voilà. Donc les hommes cisgenres ont de fait un statut social de privilégié par rapport aux meufs. Surtout s'ils sont blancs, surtout s'ils appartiennent à une classe sociale aisée. Ce qui a des répercussions dans leur relation amoureuse. Parce que globalement, ils ont plus de pouvoir, ils ont un confort social plus établi, donc en gros, la life, elle est plus facile pour eux. Et ils ont aussi un comportement en relation marqué par des normes de masculinité, comme par exemple d'être passif dans l'organisation de la relation et puis distant. Et ça renforce leur pouvoir au sein de la relation et leur pouvoir sur l'autre personne. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on voit en général dans les relations, quand on est un minimum de bonne foi. Bon, la domination exercée au sein du couple par une meuf, elle n'est pas comparable à celle exercée par un homme dans un couple hétéro. Là, je pense d'abord aux aspects psychologiques, aux blocages socialement construits que les meufs elles ont quand il s'agit d'envoyer chier les types. Mais je pense aussi à ce qui relève du physique. Repousser physiquement un homme, c'est dur. Et pas seulement parce qu'ils ont en moyenne, plus de force, mais c'est surtout parce qu'on leur a appris qu'ils avaient le droit de se servir de cette force, alors que ça soulève potentiellement beaucoup plus de culpabilité chez les femmes, et qu'on a peur. En fait, si on fait du mal à un homme, surtout à un homme de notre entourage, on sort de notre rôle féminin et on s'expose à des sanctions sociales, qui seront bien souvent acceptées par le groupe. Et bon, ça me fait penser à une situation que j'ai vécue à deux reprises, en tout cas seulement à deux reprises en public, ça m'a vachement marquée. Et l'absence de soutien des personnes présentes m'a marquée aussi. Les deux fois, c'était exactement le même scénario. Seul le groupe de personnes change. Et c'était des groupes de personnes très différents les uns des autres, voilà. Du coup, le cadre, c'est cadre festif, les gens se taquinent, c'est la teuf, machin, les gens picolés. Et moi, j'ai l'habitude de jouer un petit peu à la bagarre. Enfin, j'avais, en tout cas, voilà. Et des fois, je fais ça avec des gars. Et il y en a. Les deux fois, c'était exactement la même chose. Je chatouille le type. Il me dit non, mais en rigolant, tu vois, on est en train de se taquiner, c'est normal. Bon, c'est un peu pourri au niveau du consentement. J'étais moins attentive à l'époque. Du coup... ben, en fait, je le chatouille un peu encore, et oui. Et là, les types, oui, les deux types, dans les deux situations, exactement de la même façon, ils m'attrapent, ils me font une clé de bras, ils me mettent au sol, et ils me maintiennent au sol en me disant des trucs du style « C'est bon, t'es calmé, je t'avais prévenu, hein !» Ils me lâchent pas quand je dis que j'ai mal, ils me lâchent seulement quand ils ont décidé de le faire. C'était assez violent, parce que dans les deux cas, j'ai eu mal au bras pendant plusieurs jours ensuite. Hein. Et puis voilà, bah, dans la situation, je me sens humiliée, je cherche le regard de mes amis présents, tout ça, présente. Et personne ne bronche, en fait. Je cherche du soutien, je suis pas mal au bord des larmes quand même, sur le moment. Et en gros, on me dit que je l'ai bien cherché. J'ai été punie pour avoir voulu chahuter avec les hommes, les vrais. J'ai été remise à ma place de femme. Les règles, elles étaient clairement pas les mêmes pour moi que quand ils chahutaient avec d'autres types. Enfin bref, les hommes, des fois, ils ont vraiment un problème avec le fait de se mesurer physiquement avec des meufs, même pour jouer. Et il y en a pas mal qui trouvent ça important de bien montrer qui c'est le patron. Et le regard social, il trouve pas grand-chose à redire à ça. Et en tant que meuf, eh ben, on a très peur de répliquer parce qu'on nous a inculqué qu'on en était pas vraiment capable. Et puis qu'on pourrait pas encaisser le niveau de violence d'un mâle, quoi. Moi, ça m'est arrivé d'avoir peur de répliquer à de la violence verbale parce que j'avais peur qu'on me tape, hein, plein de fois. Des types, hein. Ça m'est arrivé d'avoir peur, des types 6, ça m'est arrivé d'avoir peur de repousser un type parce qu'il voulait me forcer et que ce serait pire. Enfin, c'était il y a longtemps et je crois que la plus grande reconnaissance de la légitimité du féminisme arrange globalement les choses et aussi que les gens ils s'attaquent moins à toi quand t'es plus âgé que quand t'es ado ou très jeune adulte, quoi. Bref, pour en revenir à l'histoire de Tina et Betty, bah en fait, oui, on réagit différemment face à une situation abusive dans un couple de meufs. Et de fait, c'est différent, parce que certaines dynamiques de domination, elles sont absentes ou elles sont différentes. Après, bah, pour revenir à la situation dont je parlais, l'une des personnes du couple, elle est clairement défavorisée par rapport à l'autre, et il y a également des dominations structurelles liées à la catégorie et situation sociale, en plus de celles liées à la situation individuelle. La personne victime d'abus, bah, elle est plus jeune, elle est moins entourée, elle est plus pauvre, elle est racisée. Enfin, il y a des enjeux de pouvoir et de domination qui reproduisent les logiques qui s'appliquent à celles d'un couple hétéronormé. Il y a des spécificités pour les violences au sein des couples lesbiens, parce que ces violences, elles sont encore plus invisibilisées, elles sont pas étudiées. Les victimes, elles ont peu ou pas de possibilité d'en parler, parce qu'on part du principe que la violence n'est présente qu'au sein des couples hétéros. Mais bon. Donc il y a des spécificités, mais le modèle du couple il tend souvent à reproduire l'hétérosexualité et les dominations qui y sont présentes, même lorsqu'il concerne un duo autre que meuf 6, mec 6. L'image de l'amour et du couple, elle est liée à ces deux identités, et les modèles qu'on se trimballe, c'est souvent des modèles de couple hétéro. Et ça demande pas mal de taf de pas reproduire tout ça. En fait, la question de mon pote, elle était intéressante, mais ça m'a fatiguée, ça m'a rappelé des conversations qui sont toujours les mêmes, où tu te comprends pas avec les gens, parce qu'elles parlent d'un idéal et que toi tu pars de la réalité. Parce que moi j'aimerais bien que les meufs elles soient armées pareil que les types pour se défendre dans des situations abusives. J'aimerais bien considérer qu'une relation abusive entre deux meufs c'est pareil qu'entre un type et une meuf. Ça voudrait dire que les rapports de pouvoir seraient plus régis par notre appartenance de genre. Enfin, j'aimerais surtout qui n'est pas de relation abusive, mais voilà quoi. Et donc, quand je discute avec des personnes qui font ce superbe switch intellectuel de considérer que la situation de base, c'est l'égalité, eh ben, on ne se comprend pas trop. Et c'est un réflexe qui vient de loin, de considérer que c'est pareil pour toutes et tous. En France, on a une culture qui est universaliste. Bon, ce n'est pas le seul problème, tout ça. Mais l'universalisme, bah, ça consiste à considérer qu'on est toutes... égales, égaux, et qu'on doit traiter tout le monde pareil, parce que comme ça, les inégalités, elles n'existent pas. Mais ça marche pas trop, parce que la société, elle est construite sur des oppressions systémiques, et que la réalité, entre guillemets, bah, elle est pas neutre, parce que c'est pas du tout la même pour tout le monde. Enfin, je me demandais si des fois c'est pour ça qu'on se comprend pas avec les gens, et aussi si c'est en partie à cause de l'idée d'universalisme, que les gens ils s'acharnent à comparer des trucs qui sont pas comparables en... avec la norme hétéro comme référentiel, par exemple, dans ce cas-là. Mais ça pourrait être autre chose. Et j'ai écouté civilisationniste, je crois que c'est ça sa discipline, qui étudie la civilisation anglo-saxonne, qui s'appelle Mabula Soumaoro, qui est passée dans la grande table sur France Q dans la semaine là. Et elle parlait pas mal, c'était très intéressant. C'était dans la grande table du 21 février, hein, voilà, si vous voulez. Et Mabula Soumaoro, elle dit entre autres que l'universalisme, c'est un idéal et pas une réalité. Et bon, tout ce qu'elle disait était assez intéressant à part ça. Mais en fait, il y a un fossé entre un idéal d'égalité avec lequel on est souvent toutes et tous d'accord et une réalité qui n'est pas la même pour toutes et tous. Et les personnes les plus privilégiées, elles ont tendance à être complètement aveugles à cette réalité. Ah, bon, ça fait un moment que je parle. On va faire une pause avec une musique qui va vachement bien avec la fatigue. C'est Lazy Girl de Macy Rodman. Get out of bed in the morning. I need somebody to get me high. Don't wanna get out of bed. Keep on snoring. I got my fingers between my thighs. Okay. I don't wanna move. I just wanna keep sleeping. I don't wanna go outside. The day I gotta pop a fucking Zanny just to make some eggs, but I guess the main thing I'm trying to say is that my energy has a tendency to fade, like a grandma at a grocery store or a little kid screaming, "Mommy, I'm so bored." I'm a lazy girl, I'm a lazy whore. So maybe you can come and fuck me, but you gotta shut the door. You can come and fuck me, but you gotta shut the door. Et vous écoutez toujours Hétéroland sur le 89.5 de Radio Duo. du coup, c'est toujours sur la fatigue. Et il n'y a pas longtemps. Alors, je ne sais pas comment elle m'avait échappé jusque-là, parce que je pense que c'est une expression assez vieille. Mais j'ai appris l'expression « mettre des disquettes ». Et ça m'a vachement plu, je trouve ça assez imagé, en fait. Et ça m'a semblé exprimer pas mal les trucs qui me fatiguent, tout ça. Ça a l'air, l'utilisation de mettre des disquettes, ça a l'air de dater de la fin des années 2000. Mais ça date sûrement d'avant ça. Alors sur le site Urban Dico, en 2013, il y a une définition qui dit « action visant à duper quelqu'un ou à abuser de sa confiance ». Et il y a un exemple qui est « la meuf là-bas, je lui ai dit que je roulais dans le dernier Q7 et que j'étais footballeur pro, je lui ai mis une putain de disquette ». Alors bon, c'est intéressant que l'exemple donné, ce soit justement un type qui se fout de la gueule d'une meuf, vraisemblablement pour la pécho. Mettre des disquettes aux meufs, ça revient dans les exemples, dans les autres dicos, en fait, les autres dicos urbains, machin, que j'ai regardé. Et en fait, on sait pas trop si ces exemples, c'est des espèces de clichés horribles sur les mecs... les mecs potentiellement racisés, potentiellement de classe populaire, potentiellement pauvres, ou si juste c'est des exemples sexistes, et c'est probablement un peu un mélange des deux, je sais pas, enfin voilà, ça revient beaucoup. Dans un autre dico qui est le dictionnaire de la zone, tout l'argot des banlieues, c'est un site qui est tenu par un type, je suppose que c'est un type qui s'appelle Cobra le Cynique, c'est quand même un très beau pseudo. Bref, du coup, la définition... donc disquette, non féminin, mensonge, boniment. Et là, il y a un extrait d'une chanson de rap de Section d'Assaut qui dit « T'es mal, l'État nous balance toutes sortes de disquettes ». Voilà. Et le deuxième sens, c'est vraiment la locution « mettre une disquette à quelqu'un ». Et c'est « action de duper, tromper quelqu'un en racontant des mensonges ». Et là, c'est une chanson, un extrait d'une chanson des paroles de Bouche de vieille de Sadek. Du coup, c'est tu mens aux meufs, tu leur mets des disquettes légendaires, tu parles de mariage de marmots et tu leur mets plein de choses en tête. Si elles tombent en cloque, tu prends la poudre d'escampette. Donc, comme je le disais, encore des exemples de types qui mettent des disquettes aux meufs. Bref, l'origine de mettre des disquettes est incertaine apparemment et c'est probablement lié à l'action de lancer un jeu vidéo en mettant une disquette dans une console de jeu. Et du coup, de te lancer dans... l'univers parallèle et imaginaire et où du coup qui ne correspond pas à la réalité. Ce qui était étrange avec ce site là en fait, du coup le site de Cobra machin là, c'est que c'est un site participatif et dans les dernières propositions de définition qui ont été faites, on retrouve, attention, masculinisme, mouvement qui se préoccupe de la condition masculine, synonyme d'émancipation, seigneur. Masculinisme désigne à la fois un mouvement de défense des droits des hommes et de leur rôle sociopolitique et un mouvement de protestation qui vise à affranchir les hommes, les pauvres, de leur rôle socio-traditionnel. Voilà, c'était un peu bizarre qu'il y ait ça en proposition de définition d'argot. Enfin, voilà. Du coup, c'était proposé par Bernard 23, hein, et du coup, ça a été rejeté parce que ce n'est pas un terme argotique. C'était un peu chelou. Bref. À propos de mascu, on peut dire que il y a l'antiféminisme assez frontal des masculinistes, des critiques du concept de genre, tout ça. Et que, bon, bah, les mascus, ils nous mettent grave des disquettes en disant qu'ils veulent que l'égalité, qu'ils sont lésés, que les femmes, à présent... elle domine la société, tout ça, tout ça. Mais bon, il suffit de se pencher 30 secondes sur le truc pour voir que c'est du flan, mais quand même. Pour voir des critiques sur les mascus, on peut aller lire ce qu'a écrit le collectif Stop Masculinisme, qui est un collectif grenoblois mixte. On peut lire les articles, par exemple, de Mélissa Blais, par exemple celui qui analyse l'attentat de Toronto du 23 avril 2018, c'est vachement intéressant. Et oui, sur les mascus, il y a Francis Dupuy-Déry, qui est très présent dans les médias. Et ce qu'il a à dire sur le sujet, en fait, c'est pertinent, mais comme il le dit lui-même, c'est un peu dommage de devoir être un homme cis hétéro pour être entendu à propos de l'antiféminisme. ça fait partie des trucs qui sont un peu fatigants, hein, de devoir être un homme cis, hétéro, préférentiellement blanc, pour pouvoir, enfin, pour que les gens t'écoutent, quoi. Bref. Mais en fait, il y a beaucoup plus insidieux que les mascus à Hétéroland. Et parfois, Hétéroland nous met des grosses disquettes, hein, alors en nous disant « Oui, ça, c'est du féminisme !» Mais en fait, c'est du caca. Voilà. Premier exemple, le féminisme, gros guillemets, hein, le féminisme utilisé à des fins racistes. Alors, l'État français, il est assez spécialisé dans la promotion d'une égalité qui ne tient aucun compte des oppressions. Sous couvert d'égalité, il y a du racisme, du classisme, et parce qu'on part du principe que nous sommes toutes pareilles, mais en fait pas du tout. Et bon, en gros, des personnes qui d'habitude en ont vraiment mais rien à carrer des droits des femmes, soudain elles s'y intéressent quand ça peut servir leur agenda dégueu, raciste et islamophobe. On peut se demander là par exemple, bah, quand Macron il va sortir, quand est-ce qu'il va sortir la carte féminisme pour justifier en partie les mesures racistes qu'il s'apprête à prendre. Même s'il ne le fait pas, bah, ça fait partie d'une ambiance générale en fait. Il y a certains courants féministes qui soutiennent ça. La semaine dernière, il y avait l'historienne Françoise Vergès qui est passée présenter son bouquin sur décoloniser le féminisme, qui est passée à Saint-Étienne à la médiathèque, de Tarentaise. Et elle parle d'un féminisme civilisationnel pour désigner le féminisme de la norme dominante blanche et bourgeoise. Et ce féminisme, il est estimé comme acceptable par les organes de pouvoir. Et Vergès, elle nous dit que ce féminisme, il promeut une vision civilisatrice du féminisme, donc du nord au sud, hein, bien sûr, et que les droits des femmes et des luttes, et les luttes en faveur des droits des femmes, eh ben, c'est un truc occidental. Donc voilà ce que ce féminisme, qu'elle elle appelle civilisationnel, nous dit. Voilà, c'est super. D'ailleurs, il me semble que dans le cadre du festival Trois poils dans la soupe organisé par les Sampianes, il y a une discussion organisée le mercredi 4 mars à 20h au Remue Méninges, où ça va pas mal parler de l'utilisation d'un pseudo-féminisme et de la lutte des droits des personnes LGBT, de l'utilisation de ça par les institutions, les États. Dans le cadre d'une instrumentalisation à des fins racistes et islamophobes. Du coup, ça va parler aussi de ce qu'on appelle pinkwashing, purplewashing, tout ça, voilà. Donc ça, c'est le 4 mars, à 20h, au Remue Méninges. Vous avez les infos sur le Facebook des Sampianes, je pense. Voilà. Et maintenant, passons à un autre pseudo-féminisme scatologique. Celui des TERF. Alors, on a beaucoup entendu parler des TERF dans les médias, entre autres suite à une possible modification du Gender Recognition Act au Royaume-Uni. Donc cette loi, elle régit la possibilité pour les personnes trans que leur genre soit changé sur leur papier pour être en accord avec bah, le genre qui est le leur, en fait. Et le changement, il irait dans le sens d'une facilitation de la procédure. Et les TERF, elles sont pas contentes. Et c'est quoi les TERF ? Eh bien, je vais lire de longs extraits d'un texte co-rédigé par deux personnes trans et partagé sur des réseaux par mail féministes. Voilà. Je commence la lecture. TERF, c'est pour Trans Exclusionary Radical Feminist, entre parenthèses, féministe radicale trans excluante. C'est un terme qui apparaît en 2008 pour qualifier un courant de féministes radicales, en particulier aux États-Unis et en Grande-Bretagne, qui sont anti-trans. Ces féministes de la deuxième vague, elles considèrent que les femmes trans sont pas de vraies femmes et que les trans masculins ou les garçons trans sont des traîtres à la classe des femmes. Dans les deux cas, elles prônent l'exclusion des personnes trans des espaces féministes. Le mot TERF, il a été inventé pour marquer une différence entre ce courant transphobe essentialiste et le reste des féministes. Aujourd'hui, la majorité des personnes féministes répandant des propos proches ou venant directement de l'idéologie TERF préfèrent s'appeler « féministes critiques du genre ». La construction de l'idéologie TERF ne date pas d'hier ni de 2008. En 1979, Janice Raymond, une lesbienne radicale très connue pour sa haine envers les personnes trans, elle a écrit « L'Empire transsexuel », dans lequel elle raconte comment les femmes trans sont des infiltrées du patriarcat, qu'elles violent le corps des femmes en violent le corps des femmes en réduisant la vraie forme féminine à un artefact, fin de citation, et que la transidentité renforce les stéréotypes de genre et tout un tas d'autres conneries. Voilà. Les personnes ont écrit conneries dans le texte, hein, c'est pas moi. Voilà. Un des lieux emblématiques et historiques de la bataille entre TERF et féministes trans-inclusives est le Michigan Women's Music Festival. C'est un festival de musique qui a existé depuis les années 90 jusqu'à 2015. Et dès 91, le festival, qui se revendique destiné aux femmes nées femmes, est connu pour exclure les femmes trans. De 95 à 2010, il y a un camp trans qui se crée à l'extérieur du festival, en même temps que le festival, pour contester l'exclusion des femmes trans. En France, l'idéologie TERF, elle se retrouve notamment chez les lesbiennes radicales. Fin 99, il y a des femmes trans qui sont outées publiquement et exclues d'un espace féministe lesbien à Paris, la Barbare. Dans la foulée, à Lyon, des anarcha-féministes lyonnaises écrivent un tract dénonçant la transphobie de la Barbare. Et elles sont soutenues par les camarades de Dijon, et puis peut-être d'ailleurs. Cette histoire, elle est peu documentée en fait. À Grenoble en 2002, les Voix d'Elle, une association lesbienne, initient une discussion autour de l'inclusivité des femmes trans dans leur association. Des discussions ont lieu un petit peu partout, en particulier dans les milieux anarchistes et féministes, et elles conduisent à des propositions de non-mixité qui nous semblent dépassées aujourd'hui et qui nous font rire, mais qui montrent des tentatives de visibilité à l'époque. Pour toutes les femmes, d'origine biologique ou d'origine transsexuelle. C'était une citation. Quelques années plus tard, des trans masculins sont exclus de la Barbare quand ils transitionnent. De nouvelles discussions ont lieu sur leur présence dans les espaces féministes. C'est aux alentours de 2006, après moult débats que la non-mixité femme lesbienne trans ou femme gwyn trans ou meuf gwyn trans s'est généralisée. Ça a été une manière d'inclure les femmes trans qui se reconnaissent dans femmes et celles qui se reconnaissent dans trans, ainsi que les trans masculins qui se définissent plus aisément dans trans que dans homme ou garçon. Cette nouvelle dénomination, elle permet d'ouvrir la non-mixité qui était jusque-là femme lesbienne. Elle ouvre cette non-mixité aux personnes trans en prenant en compte les multiples possibilités d'être trans. Et ça a permis aux garçons, aux mecs trans de pouvoir aller dans les espaces féministes ou de pouvoir rester dans ces espaces pendant et après leur transition et de permettre aux femmes trans de ne pas être obligées de se cacher ni que leur passing soit un motif d'inclusion. Mais les mots ne suffisent pas. C'est pas parce que des portes ont été ouvertes que la question de la place des personnes trans dans les milieux féministes a été réglée. Les présences très minoritaires, plus qu'aujourd'hui, ont induit une difficulté à s'organiser entre personnes trans, à s'affirmer, à se sentir légitime. Et la lutte continue, il y a encore du boulot. Aujourd'hui, même si les présences plus nombreuses de personnes trans et non-binaires instaurent un rapport de force au sein de nos milieux, cette question reste d'actualité. Et pour en revenir à l'utilisation du terme « TERF », il y a pour nous une distinction à faire entre des comportements transphobes de la part de nos camarades, liés au cissexisme de cette société, et à une idéologie transphobe, dans le cas des TERF. Dans le cas du cissexisme, c'est un système d'oppression qui prend pour norme et réalité les parcours des personnes cis, et rend visible, nie et déprécie les parcours des personnes trans. Comme dans chaque système d'oppression, la position privilégiée implique qu'on ignore nos privilèges ou qu'on oublie qu'on en a carrément, jusqu'à ce que des personnes opprimées dans le système d'oppression nous les montrent, nous les mettent dans la gueule avec plus ou moins de pédagogie. Et dans le cas de l'idéologie transphobe, il y a une volonté de pas s'organiser avec des personnes trans, de nier leur existence, de les empêcher physiquement d'accéder à des espaces qui se disent féministes, voire même de les empêcher d'accéder à des droits de base. Et on trouve important de garder en tête que les mots ont une histoire. Voilà, c'est la fin de la citation du texte qui a donc été écrit par deux personnes trans des milieux queer TPG. On entend bien dans le texte que l'exclusion des personnes trans, c'est toujours un gros problème et que la forte présence du discours des TERF dans les médias est assez visible en fait. Et cette présence, elle a augmenté avec le projet de loi au Royaume-Uni. Et bon, il y a au moins un site français qui traduit et relaie ce courant. Si vous vous retrouvez à lire des articles sur un blog WordPress qui s'appelle TradFem, eh bien, il est probable que ça soit craignos, extrême craignos, et pas qu'à propos des questions des personnes trans, non-binaires, etc. C'est craignos en général, voilà. Et c'est marrant, mais... Enfin non, c'est pas marrant. En fait, j'ai remarqué que les articles de ce blog, ils sont pas mal relayés sur un réseau social qui s'appelle SynThis. C'est un réseau social plutôt où on fait du partage de savoir, d'articles scientifiques, politiques, tout ça. Et ce réseau social, il est plutôt fréquenté par des personnes genre gauche, extrême gauche, anarch, tout ça. Mais en même temps, on voit vachement d'articles de TERF. Et bon, on m'a dit aussi que c'est parce que c'est fréquenté par des féministes quarantenaires qui pigent rien au queer et à tous ces trucs qu'il y a beaucoup d'articles TERF. Mais bon, quand même. C'est étrange cette cohabitation, mais en même temps, si on pense au penchant de certains intellectuels, parfois très politisés, parfois très de gauche, pour tout ce qui a une saveur subversive, eh ben, ouais, c'est peut-être pas si étonnant. Ça me fait penser à un truc entendu sur France Culture. J'écoute beaucoup trop France Culture. D'un sociologue. Je me souviens pas son nom, mais c'était assez intéressant. Mais c'était à propos de l'affaire Gabriel Masneff. Et ce sociologue, il pointe le désir de subversion d'une certaine pseudo-élite intellectuelle. Et ce désir fait que, en gros, de toute façon, sortir de la norme, c'est cool. Même si c'est en commettant des agressions sexuelles, éventuellement sur des mineurs. Et bon, ça passe vachement moins bien maintenant, c'est cool. Mais bon, le lien entre ça et l'idéologie des personnes trans-excluantes, c'est que c'est le lien, c'est l'attrait pour ce qui remet en question une norme. Mais norme entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas une norme. Ça passe pour une norme. Par exemple, la visibilité des personnes trans, ça passe pour une norme juste parce qu'elles deviennent un peu, à peine, visibles. Mais c'est encore très loin de représenter une norme. Et c'est un peu comme quand une meuf, elle arrive à accéder à un certain poste de pouvoir ou à un taf, genre, je sais pas moi, un taf prestigieux, d'habitude qui est masculin, j'en sais rien, les premières meufs pilotes d'avion, par exemple. En fait, il y a un phénomène qui fait qu'une meuf y accède et les gens, ils ont l'impression que ça y est, l'égalité est atteinte. Mais en fait, il y a juste une exception qui donne cette impression d'égalité. Et on la remarque énormément car justement, c'est une exception. Et bon, pour en revenir au TERF, c'est plutôt une émergence de la parole des personnes trans qui étaient invisibles et très marginales auparavant, à laquelle elles réagissent. C'est un courant de pensée... C'est vachement trop sympa de dire que c'est un courant de pensée... Mais c'est un truc réactionnaire, un truc réactionnaire qui se fait passer pour la critique d'une nouvelle norme dominante, mais qui n'est pas du tout une nouvelle norme dominante. Enfin bref, voilà, sur la transidentité, la non-binarité, on peut aller lire des trucs sur le blog La vie en queer, qui est chouette, et qui est en français. Et si on est anglophone... on peut aller faire un tour sur la chaîne YouTube de ContraPoint, qui est vraiment super. Il y a les sous-titres sur YouTube, mais que les sous-titres anglais. Mais bon, bref, si on se débrouille, ça peut fonctionner. Et il y a aussi la chaîne YouTube de Cat Black. Voilà, je mettrai les références quelque part. Et il y a sûrement plein d'autres chaînes YouTube et plein d'autres sites qui sont en français. C'est juste que je les ai pas vus, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer à une autre catégorie de pseudo-féminisme de bouse, le féminisme abolitionniste. C'est un féminisme qui prive de parole les travailleurs travailleuses du sexe, sauf lorsqu'elles ont le discours qui correspond à leurs attentes, un discours de traumatisme insurmontable dû à leur activité prostitutionnelle, qui est certainement une réalité pour certaines personnes, mais vraiment pas pour toutes. Et mettre uniquement ce discours en avant, c'est pas très honnête, en fait. Ce pseudo-féminisme nie l'existence et l'accès à des droits pour les travailleurs travailleuses du sexe, sous prétexte que, moralement, la prostitution, c'est mal. Alors, elles se défendent de ça, mais bon. J'y crois pas trop. Et bref, sous prétexte surtout que la prostitution, ça devrait pas exister. et que c'est une violence faite aux femmes en soi. Mais du coup, c'est super logique de refuser des conditions d'exercice correctes parce que, de toute façon, ça ne devrait pas exister. Enfin, voilà. On va enchaîner sur une petite sélection sympa. Une sélection sympa, ouais. C'est des citations fréquemment entendues et qui font vraiment jamais plaisir. Et bon, bah, toutes, je les ai déjà lues ou entendues, alors soit moi, soit des copines, et puis on les a mises en commun. Et pour introduire ça, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que parfois dans le féminisme, ce qui est important, c'est de laisser la parole aux hommes. Retrouvons à présent Roger, 35 ans, barman. Moi, je trouve ça bien, l'égalité, mais faudrait pas aller trop loin. C'est ça le problème, hein. Sinon, la société, elle sera dominée par les femmes, et ça, c'est pas bon non plus, hein. Merci, Roger. À présent, Antoine, 26 ans, banquier. J'ai été élevé par des femmes, alors je peux pas être sexiste, hein. À présent, Léo, 20 ans, étudiant en droit. La galanterie, on est obligé, parce que les femmes s'y attendent. Elles ont plein d'avantages au quotidien par rapport à nous. Merci Léo. Écoutons Luc, 42 ans, chauffeur poids lourd. Il faudrait pas oublier les hommes battus, ça, personne n'en parle, hein. Et maintenant, passons à Armand, 21 ans, sans emploi. Non mais maintenant, on peut plus rien dire, on peut plus faire d'humour, les féministes elles sont trop sensibles. Dès qu'on rigole un petit peu sur le viol, elles se vexent. Jean-Jacques, 54 ans, boulanger. Moi j'adore les femmes. Elles sont si douces, en accord avec la nature. Elles nous sont supérieures sur beaucoup de points. Par exemple, l'utilisation des condiments dans la pâtisserie. Merci Jean-Jacques. Écoutons André, 55 ans, professeur d'université. Je comprends qu'on doive lutter pour l'égalité, mais... il faudrait changer le terme de féminisme. Humanisme, ce serait mieux, parce que le sexe d'une personne, ce n'est pas important. Écoutons Gwenaëlle, 38 ans, journaliste. Ce sont surtout les féministes extrémistes qui desservent le féminisme. Elles s'énervent trop, ça donne pas une bonne image de leur combat. Et nous écoutons Colin, 33 ans, chanteur de variété. Je suis féministe. La preuve, je sors aussi d'un vagin. Fabien, 28 ans, électricien. Tous les hommes sont pas comme ça, faut pas faire des généralités. Par exemple, moi je suis très gentille avec les femmes. Et Dominique, 43 ans, chef d'entreprise. Moi, je veux bien être féministe, mais d'abord, je dois m'occuper de moi. J'ai aucun privilège dans la société, hein. Je me suis fait tout seul, moi. Merci, Dominique. Et ensuite, Éloi, 30 ans, comptable. Moi, je serais bien féministe, hein, en fait, mais il faudrait que les femmes, déjà, elles se respectent elles-mêmes. Jean-Eudes, 18 ans, étudiant à l'école des Chartes. Mais de toute façon, les femmes n'aiment pas les types gentils. Elles préfèrent ceux qui les traitent mal. Clovis, 16 ans, lycéen. Mais on n'a plus vraiment le problème de sexisme. Dans ma famille, c'est mon père qui fait la vaisselle. Et pour finir, Ludovic, 25 ans, doctorant en une matière indéterminée. Il y a quand même des choses plus importantes dans notre société contre lesquelles lutter. Le capitalisme fait plus de mal que le sexisme dans le monde. Il faut savoir reconnaître les priorités politiques. Et voilà. Merci, les hommes. Et maintenant, une petite pause musicale. On va s'écouter une chanson qui s'appelle Violeta Perro. C'est la chanson d'une rappeuse argentine qui s'appelle Sara Hebe. Et je ne comprends pas toutes les paroles, mais c'est assez poétique. Hein. Et je crois comprendre que Violeta, dans la chanson, elle se pose un petit peu. Et elle prend soin d'elle parce qu'on l'a fatiguée. Voilà. Smoking marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así, oh. Inconducente de palabra. Lo que dice no me sirve y lo que hace habrá cadáver. Tus frases son el hit de este verano del demonio. Resuenan en mi cuerpo agujereado y se meten en mi sueño. Rebotan y me aplastan, son pesadas. Como camiones de ilusiones viejas, ondas de vidas pasadas. Qué pesadas, maldigo todo, como Violeta. Que en paz descanse, que no me canse. Y me encuentre yo con una 9 o una 30. Porque haría, como Violeta. Disparo aro, folclore vivo de esta tierra. Incandescente luz dorada, potencia que potencia. A todo el mundo en un mismo ánimo. Tu mamá me mima, a vos te vigila y a mí no. De este pozo salgo corriendo. Esta opresión me convirtió en atleta. Corro como el agua, los pensamientos pasan. Los voy dejando atrás. No es lo mismo con los sentimientos. Una imagen en un imán. Al frente van, en procesión del inconsciente y su religión. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de piedra de pie. marihuana para ver si aclara. Drinking agua mala para relajar. Pensar con la mirada, estar sin hacer nada. Así, así. Cuando la noche empieza de día, termina los dos o tres días. Calavera busca en cuclillas una bolsilla de la que brilla. Pero como no la encuentra, ahí se da cuenta y se apilla. Al filo del vidrio cortado saca una punta y te acuchilla. Estamos haciendo un fuego, estamos haciendo cositas. Te corre desde invisible, yo te conozco, mamá carita. Voy viendo actitudes mientras me hago la tontita. Hilos entre la gente, yo tejo redes y tú te jodes. Nos conocimos por la Sara, dijo la Laura, sos pura aura. Vos ya no tenés karma, te felicito, quiero tu alma. La quiero para amamantarla, mamasticarla y amamamarla. Y amamamarla. Me dejé, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie. No me dejes, oh yeah. Te di un lugar, te di mi amor y te di de comer. Te lo pido bien. Vos me soltás la mano, sos una piedra de pie. De retour dans Hétéroland sur le 89.5. Alors, on va parler des éventuelles réactions défensives d'Hétéroland. Alors, maintenant, là, il y a des trucs féministes hein, qu'on peut beaucoup plus facilement dire. Et c'est assez cool, hein, je dois dire, quand même. On se sent plus légitime de dire certaines choses et les gens ils comprennent de quoi on parle. Mais le problème, c'est que ça ouvre des possibilités aux relous de prendre plein de place et de parler, vu que tout le monde en parle. Alors, les trucs typiques qu'on peut entendre quand on essaie de parler de féminisme et que les gens sont défensifs, du coup, parce que maintenant, ils savent ce que c'est, donc ils ont envie d'être contre, forcément. Du coup, on a plusieurs biais qui sont souvent utilisés dans la rhétorique, enfin si on peut appeler ça de la rhétorique, mais dans la conversation, quoi. Donc, premier biais, le biais de la socio. Alors le biais de la socio, c'est que tout le monde, il se sent expert, parce que tout le monde a une vie, en fait, et que tout le monde est concerné par ce qui est étudié, à savoir l'identité de genre, là, par exemple. Parce que tout le monde a une identité de genre et une orientation sexuelle dans la société telle qu'elle est. Chacun et chacune est experte de sa vie, de sa situation sociale, tout ça, mais pas vraiment de celle des autres, ni des systèmes qui sous-tendent ces vies, en fait. Voilà, ça c'était le premier biais. Ensuite, on a le biais du contre-exemple individuel. Alors, en plus, souvent mal analysé, c'est un double biais. Donc, genre, le type, il dit qu'il n'est pas sexiste parce qu'il a une femme. Bon, ça c'est la version ultra, ultra abusée. Mais par exemple, ça marche pour ceux qui disent que, par exemple, ah oui, chez eux, les tâches ménagères, elles sont super bien réparties parce que c'est eux qui passent le balai, quoi. Et quand tu creuses un petit peu, c'est la seule tâche qu'ils accomplissent. Ou encore, ils le passent uniquement quand leur compagne cohabitante le leur demande. Et puis bon, le truc gênant avec l'exemple individuel, c'est que c'est pas le sujet, en fait, quand on discute des oppressions systémiques. Systémique, c'est qu'il y ait... c'est une expérience collective, une norme, etc. Du coup, ramener sa petite expérience personnelle, c'est pas le sujet, en fait. Mais bon, bref. Un autre biais, c'est prendre comme base des savoirs en les présentant comme incontestables, alors que vraiment pas du tout. Par exemple, la science entre guillemets, hein, voilà, les gens qui disent « oui, la science l'a démontré ». Si c'est pas plus détaillé que ça, c'est pas neutre du tout, la science... Voilà, ensuite on a le mythe de l'égalité déjà là. Alors celui-là, il commence à se faire vieux et les gens, ils le disent plus trop parce que c'est moins courant, parce qu'il y a une bien plus grande visibilité de la parole féministe. Mais en gros, le mythe de l'égalité déjà là, c'est les gens qui te disent « Ah bah non, hein, maintenant la société elle est égalitaire, tout va bien, alors c'est la teuf. Hein. » Voilà. Et qui invalide ce que tu dis. Ensuite, on peut avoir des accusations de ne pas être compréhensible à cause d'un vocabulaire particulier. Comme moi, par exemple, quand je dis « oppression systémique », qui est du vocabulaire universitaire et tout. Bon, bref. Donc, on entend beaucoup que le vocabulaire employé par les féministes, il est inaccessible, que c'est du jargon. Mais alors, bizarrement, même dans des conversations avec les mêmes personnes, on entend beaucoup moins ça à propos d'autres types de lectures politiques de la société et du vocabulaire qui va avec. Alors, par exemple, l'utilisation du terme « cisgenre ». Souvent, les gens y réagissent, hein, ils te questionnent, ils t'accusent d'utiliser un vocabulaire peu accessible, tout ça. Alors que bon, tu vas discuter dans des conditions similaires, quoi. Et les gens, ils vont dire marxisme, capitalisme, classe sociale. Et ça, c'est beaucoup moins remis en question, du moins quand on parle avec des personnes politisées qui sont censées être du même genre, je sais pas, qui sont censées être du même bord que nous, on va dire. Et on interroge beaucoup moins la légitimité dans les discussions courantes du vocabulaire marxisme, capitalisme, classe sociale, tout ça. Bon, sauf quand l'objet même de la discussion, c'est de les interroger. Et ça vient probablement du fait qu'ils sont plus familiers et utilisés depuis plus longtemps. Mais c'est pas toujours la seule explication de l'absence de remise en question de ce vocabulaire-là en comparaison au vocabulaire féministe. Le fait de pas connaître certains termes, c'est pas un problème, en fait. Chaque personne qui les utilise, elle les a bien appris à un moment. Par contre, y réagir par de l'hostilité, ça illustre un rejet de certains domaines de savoir et une absence de désir de remise en question vis-à-vis de ces domaines. Et ça peut être aussi une réaction à un sentiment d'exclusion auquel les personnes sont d'autant moins habituées si elles bénéficient d'un maximum de privilèges. Bah, ce que je viens de dire, ça peut être contrebalancé par d'autres points de vue comme celui de personnes qui seraient vraiment, elles, concernées par les oppressions qui sont discutées, mais qui se sentent exclues, par exemple, parce qu'elles n'ont pas un vocabulaire universitaire. Voilà. Donc c'est à modérer. Et alors pour enrober, genre c'est super, pour englober tous ces arguments et ces biais, on a des attitudes générales. Qui sont fatigantes aussi. C'est que les gens qui sont habitués à se sentir légitimes et à prendre plein de place, alors que ça soit des individus dans des groupes, mais aussi des structures institutionnelles et médiatiques, hein, habitués à prendre de la place, à être légitimes, eh ben, ils sont vite, des éléments dominants sont vite sur la pente glissante de prendre toute la place sans être les mieux informés. Voilà. Et ensuite, on peut remarquer le développement d'un contre-discours face à une plus grande visibilité du discours féministe. Il y a une réaction, en fait. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner un petit peu sur les trucs d'hétéroland qui compliquent la vie quand t'es féministe. Parce que ça suffit pas de te faire emmerder à chaque fois que t'essayes d'avoir une conversation, tout ça. Du coup, quand t'es féministe, il y a un décalage, en fait, avec Hétéroland. Et du coup, ce décalage, il fait voir les propos féministes directs comme parfois agressifs aux interlocuteurs, interlocutrices. Et le truc, c'est que, en fait, fréquemment, la première agression, elle vient de l'énonciation de conneries qui renforcent les oppressions ou de paroles sexistes. Et on est fréquemment accusé d'agressivité en réponse à ces trucs-là. Mais c'est un petit peu comme si quelqu'un te mettait une grosse tarte, que tu te la lui rendais, et que tout le monde te trouve agressive à toi, en fait. Bon, tout ça, c'est peut-être pas un bon exemple, la violence physique. Bref. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Mais tout ceci, c'est accentué par des normes qui encadrent la féminité. Toute démonstration de, même pas d'agressivité, là, c'est sûr, mais de confiance en soi, le fait de défendre fermement ses positions intellectuelles, tout ce qui est assertivité, en fait, c'est perçu comme agressif lorsque c'est le fait de meuf ou de personnes assignées meuf. Parce que ça matche pas avec ce qu'on attend des meufs. C'est un exemple du double standard de genre, quoi. Et la vision du monde et de son organisation, elle change quand on est renseigné sur certains sujets, et en particulier sur les structures sociales, les rapports de pouvoir, tout ça. Et on est vite exposé à des réactions de rejet et de refus de remise en question. Il y a une dissonance parce qu'on n'a pas les mêmes constats en tête. Et surtout, surtout quand on discute avec les personnes les plus privilégiées, ou même quand on ne discute pas avec, mais quand on voit, quand on les entend, quand on en est entouré, tout ça. Ce qui pose aussi ce problème d'ambivalence dans Hétérolande, c'est qu'on est continuellement agressé par des actes, des paroles oppressives, mais on est perçu comme nous-mêmes agressifs et sur la défensive. Et ça fait ressentir de l'injustice dans comment nos réactions sont perçues. Et en même temps, on peut se sentir coupable en voyant que les gens ils se sentent agressés parce que leurs émotions, ils les inventent pas. Du coup, c'est assez casse-gueule comme position. Il y a un autre problème avec Hétérolande, c'est que Hétérolande défend l'amour. Hétérosexuel, monogame, tout ça. Et il y a une limite dans ce que chacun, chacune peut entendre à propos d'Hétérolande. On dirait que maintenant, on peut, avec la plupart des publics, on peut dire qu'on doit aller vers plus d'égalité entre femmes et hommes, qu'on peut parler de domaines comme le travail, la parentalité, on peut parler du harcèlement sexuel et dire que c'est pas bien, tu vois, par exemple. Pas à tout le monde, apparemment, mais bon, on peut. Et encore, pour tous ces exemples, c'est pas systématique de pouvoir en discuter posément et que notre point de vue plus éclairé et ou plus concerné soit respecté. Mais quand on rentre dans le domaine des relations affectives et de l'intime, ce n'est pas la même chose. Ce qui est plutôt logique, hein, quelque part, l'intimité, ça convoque tout un tas d'émotions fortes et prégnantes, et c'est vachement difficile de poser tranquillement pour se concentrer sur une réflexion théorique et pour se remettre en question. Ce domaine, il est particulièrement délicat à aborder, et pour parler franchement, quand on s'y essaie, on s'en prend souvent plein la gueule. Alors, l'exception de l'amour... Voilà. Ça nous vient entre autres de ce très cher Bourdieu, qui quand même, des fois, il est fatigant aussi. Et quand on s'aime vraiment, on n'aurait plus de comportement sexiste dans les couples mixtes hommes cis, femmes cis. Et ça me semble bien pratique de prétendre qu'on laisse ces comportements de masculinité toxique, tout ça, à la porte du logis. Et ça me semble impossible, en fait. Mais c'est une stratégie d'Hétérolande de prétendre que l'amour protège des comportements oppressifs et sexistes. Il y a deux stratégies qui se détachent quand on aborde la question de la reproduction des oppressions dans le couple. Deux stratégies défensives de la part d'Hétérolande. Alors, il y a un discours de l'exception individuelle qui est très développé, dans lequel on a une variante qui consiste, pour les hommes, à piocher dans les outils mêmes du féminisme pour décrire des situations où ils auraient été écrasés par une méchante femme. Bon, c'est des cas qui peuvent exister, hein, mais certainement pas dans les proportions dans lesquelles les hommes les utilisent. Hein. Et en plus, ça ne prive pas les hommes de tous les privilèges dont leur condition les fait bénéficier, y compris par rapport au regard porté sur la relation, au soutien émotionnel dont ils vont bénéficier. Donc souvent, lorsque les hommes décrivent un comportement abusif de la part de leur partenaire féminine, ils ont inconsciemment mis en place le double standard genré, et le comportement de leur partenaire, il leur semble excessif, par rapport au comportement des autres femmes. Mais c'est juste qu'elle la fait moins que les autres et qu'elle fait plus respecter ses limites personnelles, en fait. Un problème avec Hétérolande, là, plutôt même de soi à soi, en fait, c'est d'appréhender ou pas son statut de victime. Et de là, je parle de victime d'oppression vis-à-vis de son genre et éventuellement son orientation sexuelle. Il y a une technique qui consiste à... c'est pas forcément une technique, hein, c'est pas forcément conscient, mais parfois, on voit pas la discrimination. Et ça permet, en partie, de se protéger, mais pas forcément de détruire l'oppression, du coup. Et il y a une sociologue qui s'appelle Anne-Marie Mamontoff, qui parle de discrimination non consciente des sociétés contemporaines. Elle étudie les inégalités femmes-hommes au sein des sociétés tziganes et occidentales. Et en fait, dans ses études, elle voit que l'estime de soi, elle n'est pas plus faible dans les groupes de personnes qui sont victimes de discrimination, et que le maintien de l'estime de soi, il se fait au prix de l'ignorance des inégalités. Et la comparaison, je la cite, hein, « la comparaison avec d'autres sujets stigmatisés plutôt qu'avec les dominants, la minimisation de la discrimination et le désengagement des domaines dans lesquels les personnes stigmatisées sont menacées, peuvent protéger », les inégalités sont beaucoup plus le fait de processus cognitifs invisibles, non conscients, que le fait d'une volonté consciente de discrimination. Bon. Et elle dit, le fait de se voir comme victime s'intègre à l'identité et influence l'image de soi. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, bah, de toute façon, on est victime d'oppression, autant acquérir de la lucidité là-dessus, et aussi sur l'image de victime des personnes meufs, assignées meufs, pour récupérer du contrôle sur la situation et pour avoir des stratégies conscientes qu'on puisse adopter. Il faudrait trouver un équilibre en fait entre acquérir des connaissances vis-à-vis des oppressions qu'on expérimente et élaborer des désirs qu'on a de ce qu'on est, de ce qu'on veut, et bah, garder un espace pour pouvoir construire autre chose. Ça peut être assez dur en fait de rester consciente que c'est plus dur pour nous, juste parce qu'on est une meuf, et en même temps de faire sa vie et de s'en foutre, enfin, comment on fait, ça demande un peu de force. Et bon, bah personnellement, moi je l'ai pas tous les jours. Hein. Et faut trouver un équilibre. Et en fait, c'est dur de savoir que c'est injuste et d'être tranquille quand même. Ça marche pas à chaque fois. De se résoudre à avoir un accès moindre au confort émotionnel, à la parole, à la considération, tout ça. Donc voilà. On va faire une petite pause musicale avec une chanson, encore une fois, très pertinente qui s'intitule « La vie, c'est nul ». Et qui est une chanson de La Fanfare de la Fatalité. Y'a mon vieux chien qui est mort juste le jour où j'ai pas gagné au loto. La vie c'est nul. La vie c'est nul. Y'a mes poils de nez qui dépassent sur les photos où j'ai pris 3 kilos. La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul. Ce matin au réveil, la vie c'est nul. J'ai shooté dans mon lit, la vie c'est nul. Avec le petit orteil, la vie c'est nul. Ça fait mal à la vie. Y'a des jours où on ne voudrait rien faire dès que la radio réveil sonne. La vie c'est nul. La vie c'est nul. C'est toujours quand je suis nu sous la douche qu'il y a quelqu'un qui téléphone. La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul. En mettant du parfum, la vie c'est nul. Je m'en suis mis dans l'œil, la vie c'est nul. Depuis je ne vois plus rien, la vie c'est nul. Mais je sens bon de l'œil, la vie c'est nul. Je me suis mise au régime, la vie c'est nul. Il y a 3 semaines, la vie c'est nul. Je fais pile le même poids, la vie c'est nul. Il y a 3 semaines. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine d'aventures, vivre dans un manoir, avoir une grosse voiture, porter des robes du soir qui coûtent des millions. Oui, mais la vie c'est nul, et ma robe en coton. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine de mystères, le jour être rockstar et la nuit justicière, avoir un majordome, un amant milliardaire. Oui, mais la vie c'est nul. Et je suis célibataire. Y'a des gens qui trouvent des mots de 9 lettres ne comportant que des voyelles. La vie c'est nul. La vie c'est nul. Depuis que je me suis fait poser des faux ongles, j'ai dû acheter un lave-vaisselle. La vie c'est nul. La vie c'est nul. La vie c'est nul. J'ai loupé le casting. La vie c'est nul. Pour être mannequin. La vie c'est nul. Parce que j'ai oublié. La vie c'est nul. De prendre un maillot de bain. La vie c'est nul. J'ai mis un Wonderbra. La vie c'est nul. Et des boucles d'oreilles. La vie c'est nul. Et tout le monde ne regarde. La vie c'est nul. Que mes boucles d'oreilles. Moi j'aimerais mieux avoir une vie pleine d'aventures. Et c'est toujours Hétéroland. Alors j'ai un petit peu coupé la chanson, parce que je me rends compte que j'ai encore vraiment beaucoup, beaucoup de trucs à dire, et que l'heure tourne et je suis en retard. Voilà. On va passer à une rubrique hyper sympa et un petit peu fatigante aussi. Hein. On va parler des bons élèves du féminisme. On va faire une petite typologie des comportements de mecs cis-hétéro fatigants. Alors ça peut être ceux dont on est proche ou pas, ceux qu'on aime, ceux qu'on côtoie vaguement, voilà. C'est une typologie de comportement, ça ne veut pas dire que les personnes sont mauvaises, et ça, surtout ça ne veut pas dire qu'elles sont obligées de continuer, voilà. Se présenter comme sensible aux questions féministes, c'est devenu une norme dans certains milieux sociaux, dans certains contextes, et y compris pour les hommes cisgenres. Alors, je dis pas que cet intérêt, il est systématiquement fallacieux. Hein. Globalement, les individus, ils ont plutôt envie de bien faire dans la vie. Enfin, c'est ce que je crois. Peut-être tout le monde n'est pas d'accord, mais... Enfin, je pense que les gens ont envie de bien faire, ou au moins d'avoir l'air de bien faire. Bon, ce qui peut être plus problématique, mais bref, on va dire ils ont envie de bien faire. Et les individus qui sont pas concernés en premier lieu par les problématiques du genre, du sexisme, etc., ils ont aussi des bénéfices à retirer du féminisme. La déconstruction des normes de genre, elle profite aussi aux hommes cis. Alors bon, dans les bons élèves, on va avoir les incohérents. Donc l'incohérent, ça va être adopter un discours parce que c'est le discours normé qui passera bien dans ce contexte-là, normé dans ce contexte-là, et qui passera et tout, et avoir un comportement en contradiction totale avec ce discours. Par exemple, se dire scandalisé par les abus sexuels, dénoncer de mauvais comportements de la part d'autres hommes, mais avoir un comportement abusif et sexiste dans ses relations intimes avec des meufs. C'est un exemple. Souvent sans même s'en apercevoir, hein, d'ailleurs. Voilà. Et ça peut être aussi avoir des comportements problématiques uniquement avec certaines meufs, selon le cadre relationnel, l'opinion à propos de la personne, etc. Ensuite, on va avoir ceux qui sont encore plus fatigués que moi, apparemment. Alors, eux, de toute façon, ils vont faire des trucs nuls de type, les constructions sociales, elles sont trop pesantes, et ils le mettent bien en avance, hein. Bon, en fait, t'as envie de leur dire qu'il faut juste y consacrer un petit peu d'énergie, mais manifestement, c'est trop pour certains. En tout cas, dans le cadre de certaines relations. En bref, ils se déresponsabilisent et ils se prémunissent, dans le même mouvement, de consacrer une énergie quelconque à une amélioration, en disant que c'est la vilaine masculinité, c'est pas leur faute. On peut rien leur reprocher, ils auraient pas pu faire mieux à cause de la vilaine masculinité. Mais bon, c'est pas forcément par rapport à des trucs liés aux normes de masculinité qu'ils losent. Et ensuite, s'ils savent qu'ils sont pas capables de se comporter décemment, ou qui ne comptent vraiment pas essayer de consacrer de l'énergie à s'améliorer, ils peuvent aussi rester dans une grotte de la cordillère des Andes, et qu'ils n'essayent pas de se lier avec des personnes, merci. Alors, dans les relous fatigants, là, on a les types qui veulent pas être identifiés comme mexis. Donc eux, ils vont nier leurs privilèges, ils vont s'appuyer sur le fait qu'on définit pas le genre de quelqu'un d'autre, hein. Souvent, c'est parce qu'ils veulent pas être le méchant, quoi. Et il y a une confusion entre ne pas se reconnaître dans les normes de masculinité hégémonique, ce qui est probablement le cas de beaucoup d'hommes, en fait, et je comprends. Mais c'est différent, ne pas se reconnaître dans les normes de masculinité dominante et ne pas être socialement un homme. Il y a une confusion également entre refuser la masculinité hégémonique et être trans. Et bizarrement, on n'entend pas trop de meufs dire qu'elles se sentent insultées d'être définies comme meuf cis, alors qu'elles s'identifient pas du tout aux normes de féminité. Alors bon, je pense que c'est surtout une peur d'être considérée comme un oppresseur qui ressort. Souvent, ça vient de types qui se reconnaissent vraiment pas dans les normes, et parfois ils en ont souffert. Et je comprends. Je veux dire, moi aussi ça me ferait chier d'être un type. Et c'est vrai que personne ne peut définir l'identité de genre de quelqu'un à sa place, c'est sûr. Mais ce qui me chagrine, c'est que toutes les fois où j'entends ou je lis des personnes socialement identifiées comme des hommes, se genrant quotidiennement au masculin, bénéficiant des privilèges qui vont avec, et ne s'identifiant pas non plus comme féminin ou neutre, alors tout ça, ça veut pas forcément dire que c'est des hommes, je sais, hein, mais bon bref. Ces gens qui réunissent toutes ces caractéristiques, eh bien, ils ont quand même bien l'air d'être des hommes, socialement et dans leur comportement en tout cas, bref. À chaque fois que je les entends, ils rejettent le genre masculin comme étant le leur que dans des situations où il y a une critique vis-à-vis des hommes cisgenres qui étaient mises. Et ce, dans le but de disqualifier les propos critiques. Alors par exemple, hein, celui-là il est quand même courant d'exemple, hein. On va dire... Les hommes cisgenres, fréquemment, ils ont des comportements abusifs en relation amoureuse du fait de leur construction masculine. Et le type en face, il te dit « Ah mais moi, je suis pas un homme, hein, et tu m'insultes en me traitant d'homme cis, parce que quand j'étais petit, eh ben j'avais pas de muscles !» Oui, alors c'est dur de pas correspondre aux normes, et ça doit faire souffrir, mais mettre ça en avant pile dans un moment où on critique les comportements masculins, dans le but de les améliorer, tout ça... Enfin, est-ce que c'est bien le sujet ? Est-ce que c'est pas un peu du Not All Men déguisé ? Et d'autre part, on dirait que ça leur pose problème qu'on les définisse, qu'on les place sur l'échiquier social, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Ils sont pas à une catégorie d'habitude, leur catégorie, elle est invisible, parce que c'est la norme, parce que le monde est fait pour eux. Du coup, je parle des hommes cis, blancs et bourgeois, là. Et les pointer comme catégorie et critiquer la catégorie, ça provoque des réactions. Mais en fait, pour moi, le fait de brandir sa non-appartenance au genre masculin, soudainement, en cas de critique, et pour que des meufs ferment leur gueule, c'est instrumentaliser le féminisme, c'est très très questionnant, c'est insensible vis-à-vis des personnes trans, et c'est pas très original. Mais voilà, c'est un exemple de comment les mecs cis utilisent le discours féministe et queer pour, encore et encore, maintenir des rapports de pouvoir en leur faveur. Ensuite, au suivant. Alors j'ai beaucoup, beaucoup entendu de types se plaindre de ne pas pouvoir parler à une meuf dans la rue. Ce qui va avec tout un discours sur le harcèlement de rue, qui est bien sûr le fait d'hommes jeunes racisés, pauvres et sans emploi. Franchement, je sais pas ce qui me fait le plus gerber, mais bref. Et ce que c'est d'être une meuf et que tous les types viennent te parler dans la rue, est-ce que tu y penses en fait ? Tu peux pas penser d'abord à la personne qui en chie, non, c'est toi et ton petit nombril. Ah là là, comment ça, je peux pas parler aux meufs quand j'en ai envie, tout ça, parce que des vilains types sont vilains. C'est pas juste. Ou qu'ils sont vilains, et pas moi. Moi, je suis super, jamais je ferai un truc oppressif. Mais ouvre les yeux. Tu es un vilain type, justement parce que tu te plains du manque de disponibilité des meufs vis-à-vis de ta petite personne. Et oui, gna gna gna, ce serait mieux si tout le monde était égal et qu'on pouvait toutes et tous se parler sans que ce soit compliqué. Mais est-ce que tu crois que c'est pour toi que c'est le plus compliqué ? Voilà, c'est un peu irritant. Ensuite, nous avons les hommes cis qui parlent du bon féminisme. Et qui, eux, savent lequel c'est. Dans un double mouvement, ces personnes s'auto-affirment comme des alliés du féminisme et en excluent certaines idées et surtout certaines meufs. Et attention, spoiler alerte, hein, ce sont les meufs qui émettent des critiques vis-à-vis de leur comportement à eux. C'est surprenant, non ? Oh là là ! J'ai vu un tweet assez cool à propos de ça. Alors, j'ai pas retrouvé le tweet, c'était en anglais, tout ça, ça doit être une citation de meuf écrivaine ou autre. Mais ça disait, en gros, si vous voulez savoir si un homme est vraiment un allié féministe, un allié du féminisme. Ne regardez pas seulement comment il se comporte avec les femmes qui l'apprécient et lui donnent de l'affection. Regardez surtout comment il traite les femmes qui ne lui donnent pas d'affection et qui sont en désaccord avec lui. Voilà, voilà. Autre catégorie, ce sera, je pense, la dernière de laquelle je vais parler. Nous avons les types sur les sites de rencontres. Alors oui, je fréquente des sites de rencontres. Périodiquement, tout ça. Et bon, alors, quand t'es une meuf bisexuelle sur ces sites, il y a vite une typologie de mecs très fatigants qui émergent. Alors, tu vas avoir ceux qui veulent pas de prise de tête. Bah déjà, comporte-toi correctement et communique, parce que les prises de tête, t'en es probablement responsable, hein, mon gars, mais bon. Ensuite, il y a ceux qui peuvent baiser avec toi quand leur meuf est en vacances parce qu'ils ont un accord. Ça a l'air vraiment pas foireux du tout. Et bon, ça, c'est les potes de ceux qui veulent une relation discrète. Voilà. Ensuite, on a ceux qui cherchent une meuf bi pour pimenter leur relation de couple. Oui, je suis un jalapeño géant, apparemment. Voilà. Ensuite, il y a ceux qui fétichisent ton originalité, et ça, c'est mes préférés, il y en a beaucoup. Ils sont attirés par ton profil, hors norme, par ton originalité, car tu as l'air d'une fille pas comme les autres. Ouais, en gros, t'es bizarre. Ils ont envie de sensations fortes dans leur existence morne de salarié de Google ou d'employé de la fonction publique tiède avec le nez qui coule. Ça a l'air de rien, comme ça. Ça a l'air d'un compliment, même. Genre, t'as l'air spécial. Mais si on y réfléchit 30 secondes, avoir envie d'un échange sexuel avec une personne parce qu'elle est différente, sans préciser pourquoi, c'est... Enfin, vous imaginez aller vers une personne, chercher une rencontre sexuelle avec une personne en lui disant « Salut, t'as l'air chelou, j'ai envie de voir comment ça se traduit dans ta sexualité. Je ne comprends pas du tout qui tu es. Et quand tu décris ton fonctionnement, cela m'est totalement étranger. On ne va probablement pas avoir une bonne connexion. Mais moi, je vais y trouver quelque chose, car je vois les meufs comme des objets à disposition de mon épanouissement sexuel. Et j'ai envie de tester quelque chose de spécial aujourd'hui. » Voilà, voilà. Enfin bref. Il y a d'autres interactions qui peuvent être assez fatigantes. C'est des interactions avec des bestioles vraiment étranges, qui peuvent prendre pas mal d'énergie. Et ben, dans ces bestioles bizarres, on va avoir l'exemple des chiots suceurs de cerveau. Les chiots suceurs de cerveau, autrement appelés les mendiants de chatte. Voilà une espèce particulièrement dangereuse d'être qui hante notre monde amoureux. On se promène avec nonchalance au bord d'une mignonne route de campagne, ou avec un fort taux d'alcoolémie au bord d'un bar, et voilà que la sale bête vous tombe sur le poil. On peut l'identifier de prime abord grâce à ses grands yeux larmoyants, à son petit air triste, à cette impression que le petit animal est familier lui aussi de cette sensation de solitude qui nous saisit parfois au détour d'une froide nuit d'hiver. Mais ne nous y trompons pas, nous avons affaire à un prédateur sournois. Nous ne sommes pas toutes des proies idéales pour ces prédateurs à l'allure si inoffensive. Des femmes hétérosexuelles, plus enclines à prendre soin des hommes, sont souvent plus sensibles au charme vénéneux de ces petites créatures. Cela est dû entre autres à ce que l'on appelle le travail émotionnel. Un autre travail gratuit et invisible, effectué majoritairement par les femmes et les individus marginaux-marginales. Les femmes chez lesquelles on provoque facilement le sentiment de culpabilité sont encore plus touchées. Certains hommes peuvent également avoir des schémas de fonctionnement qui les rendent sensibles aux chiots suceurs de cerveau. Ces bestioles ont plusieurs caractéristiques dans leur fonctionnement qui permettent de les repérer. Premièrement, ils attirent l'attention avec des récits, des événements qui leur sont arrivés qui sont négatifs, tristes. Cela peut entraîner différentes réactions selon les interlocutrices, selon leur sensibilité du moment. Ça peut entraîner de la gêne de voir les plaies d'un quasi-inconnu exposé si crûment. Et ça peut entraîner un sentiment d'obligation par rapport au petit chiot. On doit l'aider, le soutenir, il a l'air si triste. La personne ayant l'air si triste, on n'ose pas faire respecter ses propres limites parce que nous, on est solides. Ou alors on n'y pense même pas, nous sommes tellement occupés avec la souffrance de ce petit chiot. Deuxièmement, d'un autre côté, ils n'ont aucun respect des limites des autres. Il est prouvé, notamment sur des questions de consentement, que le comportement non-verbal ou les réponses dans lesquelles on ne dit pas clairement non, mais qui sont peu enthousiastes, sont parfaitement comprises par les autres humains. Et puis même sans étude, de façon totalement empirique, si on y réfléchit, on sait très bien faire comprendre à quelqu'un poliment qu'il nous ennuie ou que c'est non. Que ce soit pour un câlin, pour du sexe, pour continuer une conversation. Et c'est là que ça se gâte avec les chiots suceurs de cerveau. Ils font très bien semblant de ne pas comprendre. Ou ils estiment leurs émotions et leurs désirs comme totalement prioritaires et ignorent donc ceux de leurs victimes. Peut-être parce qu'ils estiment leur sort comme tellement tragique qu'ils s'autorisent à faire bien peu de cas d'une autre. Ils sont en quelque sorte prioritaires sur la douleur. Comment pourrions-nous faire valoir nos propres ressentis ? Comment oserions-nous face à ces âmes en peine ? Si on se laisse submerger par la pitié qu'ils inspirent, on se fait proprement sucer le cerveau. Et ils obtiennent ce qu'ils veulent, une belle compotée de notre âme. Si l'on offre une quelconque résistance, ils ne comprennent pas, bon du moins ils font semblant, et répondent à notre rejet, par des jérémiades insensées et des hameçons sous forme de déclarations d'amour lancées dans nos oreilles. Et ça fait mal, les hameçons dans les oreilles. En tant qu'humaine, patiente et attentive, prompte à la remise en question, nous allons alors nous demander si nous avons bien été clairs dans ce que nous souhaitions faire comprendre à l'énergumène. À cela s'ajoute une éventuelle difficulté à réagir. En effet, la situation est tellement insensée que c'en est déstabilisant. Cette personne qui insiste en chouinant est absurde. il apparaît si peu probable qu'elle continue son manège en ayant compris notre refus que nous doutons de nous-mêmes. C'est sur cela que s'appuie son potentiel de succion, ainsi que sur un autre point, notre culpabilité. Nous sommes poussés à nous sentir coupables de rejeter un être si doux, en détresse, qui aurait tellement besoin de nous. Une vraie petite peluche de tendresse qui nous jette son amour gluant au visage. Et nous, nous lui refusons même un petit coup rapide au lever du jour. Quelles femelles ingrates qui servent si mal la réputation de leur sexe. Pour éviter l'invasion, il faut faire attention à ce qu'on ressent. Si une personne nous met mal à l'aise, si nous avons l'impression de lui devoir quelque chose, d'autant plus si ce quelque chose est du sexe, fuyons. Lorsque l'empathie et la culpabilité s'en mêlent, cela peut être difficile de reconnaître les signes, mais on sent tout de même au minimum un inconfort. Cet inconfort, c'est notre alarme interne, et on peut se demander s'il est justifié, mais c'est pas forcément une question pertinente sur le moment. Le minimum que nous puissions faire, pour nous-mêmes, c'est, dans le doute, d'y mettre un terme. Les racines de leur vil comportement semblent profondément plongées dans le patriarcat, qui pousse les femmes à moins prendre en compte leur propre bien-être que celui d'une tierce personne. C'est notre droit d'envoyer paître cette engeance invasive, ces chouineurs qui nous forcent la main, qui abusent de notre grand cœur pour se nourrir de la chaleur de nos bras. Et si on veut être utile, si à ce moment on a l'énergie pour améliorer l'état de ce monde, rejetons-les tout de même. Ils apprendront à apprécier l'autonomie. Ils apprendront que leurs actes peuvent aussi avoir des conséquences désagréables pour eux-mêmes et cesseront leur succion non désirée. Et voilà, c'était un petit bout de Walls of Jericho, juste pour le plaisir. Alors, si comme moi, vous êtes un petit peu fatigué, et plutôt des féministes fatiguées, et ben, c'est possible d'aller se retonifier un petit peu de la joie de vivre au festival Trois Poils dans la Soupe, qui est un festival organisé par les Sampianes, qui a lieu les 5, 6, 7, 8 mars. Je crois qu'il y a aussi des choses le 4 et le 9 mars, vous avez tout le programme sur le Facebook des Sampianes. Voilà. Moi, j'ai un blog et dessus, très bientôt, il va y avoir un onglet radio avec pour chaque émission les textes et les références de ce que j'ai lu pour la prépa, tous les trucs que je vous donne en référence et que peut-être vous pouvez pas noter, peut-être je prononce mal, j'en sais rien. Voilà, il y aura tout ça bientôt à jour. Et le blog, c'est fillamatelot@wordpress.com, fillamatelot tout attaché, matelot au pluriel. Ensuite, il y a eu de la musique du One Woman Band Pharmacon en fond sonore pendant les lectures. Vous pouvez aller lire un article sur le site Barbiturique sur la violence conjugale entre femmes qui est encore un tabou. L'article de Mélissa Blais sur l'attentat de Toronto et sur la rhétorique antiféministe, sur le manque de reconnaissance des féminicides, etc. Vous pouvez aller jeter un œil sur la chaîne YouTube de Marinette, qui a le mérite d'être en français, notamment la vidéo qui s'appelle « On fact-check les mascus ». Vous pouvez écouter la grande table du 21 février avec Maboula Soumaoro en invité. pour entendre parler de colonialisme, de critique de l'universalisme et de beaucoup d'autres choses. Et vraiment, allez, si vous êtes anglophone ou si vous captez un petit peu l'anglais, allez regarder la chaîne YouTube de ContraPoints. C'est assez super. Voilà. Et bien, merci d'avoir écouté. À la prochaine.